Le dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé comme prison à l'usine des articles en plastique des militaires blessés d'honneur de l'Anan les véhicules nécessaires au service à l'heure de pointe pour le personnel et à sa gestion. La cérémonie de leur remise a eu lieu le 29 mai sous la participation des cadres intéressés et du personnel de l'usine.